J'ai reconnu tous tes défauts à la zim zimi oh oh oh no. Anti-ra, anti-cisra, anti-cisra. Laisse-nous passer, moi et mes potes on va te graser. On va te faire passer l'envie de jacter, de taper. Ça j'espère que tu l'as capté, écoute bien mon couplet. Écoute, écoute bien, c'est du coup pré-coupé. Ok, sans jamais douter, malgré mon dos voûté. J'arrive décontracté, quoi que te puisse en penser. Tu te prends pour un cow-boy avec ton cuir et tes rangers. Tu tapes les vieilles et les mineurs, écoute ça. Sors ta bulle et rentre dans ton terrier. Ici on a la lame et on sait la manier. Écoute ça, crois-moi, tu vas douiller, tailler. Sans jamais te retourner. Anti-ra, anti-cisra. T'es un faf et un faux, j'ai reconnu tous tes défauts. A la zimi-zimi, yo, oh no, do you do, no. Anti-cisra. Anti-cisra. Le raciste se déguise camouflé. Hypocrite, le sourire au nez. Fin ligné, affûté, habitué. Je les ai débusqués. Je suis le chasseur de ski. Les fachos xénophobes qui nous regardent, qui se mettent en garde. Anti-ra, anti-cisra. T'as gaffé, t'es un faf, faut que je te baffe. Fais pas gaffe à ton taf, anti-fa. Charles la casse, tu m'agaces. Ça se passe, tu t'effaces, double face. Volte-face, pile ou face, efficace. On te chasse. On te chasse. Désolé, mais je suis motivé. Reste où tu es, je vais te destituer. Te torturer à la dure, 6 points de suture sur ta figure. Tu feras plus le fier, fallait pas me vénère. Fallait pas croiser les fers avec Ural et les frères. Appelle-moi Lucifer, toi le faf. J'ai une bête de place pour toi dans mon cimetière. Toi le faf, tu feras moins le fier. Face au faf, tu te caches, moi je fais face. Ok, qu'efface, je sors le slash, je pars à la chasse. Anti-ra, anti-cisra. On dira, on dit cisra. T'es un faf, t'es un faux, j'ai reconnu tous tes défauts. À la zim zim, oh oh oh no. Anti-ra, anti-cisra. Anti-cisra.